Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la première guerre du Golfe, la guerre en direct. The best reporting that I've seen on what transpired in Baghdad was on CNN. And would appear, based upon the comments that were coming in from the CNN crew in the hotel in Baghdad, that the operation was successful. Le secrétaire à la Défense américain Dick Cheney qui cite CNN dans sa réponse à un journaliste qui lui demande de commenter l'efficacité du début de l'opération Tempête du désert le 16 janvier 1991. C'est dire toute l'importance qu'aura CNN dans la couverture de cette première guerre du Golfe. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là qu'on va commencer à parler de l'effet CNN. Mais cette guerre à laquelle on a l'impression d'assister en direct est en réalité une guerre dont on verra très peu de choses. Et rarement dans l'histoire se sera-t-on en fait retrouvé devant un pareil cas d'utilisation et de manipulation des médias par les pouvoirs politiques et militaires. Ça y est! Ah! Dis-leur ce qui se passe! Ici Bagdad, Atlanta, répondez. Les téléphones sont morts, ça a été rapide. Il se passe quelque chose dehors. Mon Dieu! Atlanta, allô? Ici Bernard Shaw à Bagdad, il se passe quelque chose. Mon Dieu! Bernie est en ligne. Trouvez une carte et trouvez une photo de Bernie. Dites à Franck qu'on va être en direct de Bagdad. Bernie est au téléphone. Dites qu'il se passe en direct de Bagdad. Vous êtes prêts pour le transfert? Attention, on passe en audio. Ici Bernard Shaw. Les bombardements ont commencé. Peter Arnett est à mes côtés. Peter va essayer de vous décrire ce que nous voyons par la fenêtre. Le ciel de Bagdad est illuminé. J'ai la vision nocturne allumée. Donne-moi le trépied, donne-moi le trépied. Le ciel est entièrement tacheté de flashs incandescents. Bon Dieu. Des tirs anti-aériens traversent le ciel. Extrait du film « En direct de Bagdad » réalisé par Mick Jackson en 2002. Dans cette scène du film, les journalistes de CNN, Bernard Shaw et Peter Arnett, décrivent les débuts des bombardements à Bagdad en janvier 1991. Pour nous faire revivre cette première guerre du Golfe, je reçois la politologue à l'Université de Sherbrooke, Karine Prémont, qui est également directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Karine Prémont, bonjour. Bonjour. C'est dans la nuit du 1er au 2 août 90 que commence la première guerre du Golfe, avant la tempête, l'opération Tempête du désert dont on témoignait dans l'extrait qu'on vient d'entendre. Mais le début de la guerre, c'est cette nuit du 1er au 2 août 90, au moment où l'Irak décide d'envahir le Koweït. Qu'est-ce qui pousse Saddam Hussein à envahir le Koweït? Une panoplie de raisons. Je vous dirais que les trois principales qui expliquent cette invasion, c'est d'abord une question de revendication territoriale. Saddam Hussein, évidemment, souhaite agrandir le territoire de l'Irak et considère depuis longtemps que le Koweït devrait être une province de l'Irak, alors souhaite annexer ce territoire-là. C'est aussi une question de pétrole, bien sûr, parce qu'on sait que le Koweït, l'Irak, l'ensemble des pays de l'OPEP, en fait, ont des quotas de production de pétrole pour maintenir les prix à un certain niveau. Et l'Irak va accuser le Koweït en fait, de ne pas respecter ses quotas, ce qui fait chuter les prix. Ouais. Donc, ça inflige des pertes monétaires à l'Irak. Et Saddam Hussein va aussi accuser le Koweït de pomper du pétrole à la frontière là, entre les deux pays. Et il y a aussi, finalement, une question de dette de guerre, parce qu'on le sait, l'Irak a été en guerre pendant plusieurs années avec l'Iran, de 1980 à 1988. Donc, beaucoup d'argent dépensé pour l'effort de guerre, a emprunté des sommes colossales au Koweït et ne souhaite pas rembourser ces dettes-là, n'a pas le trésor nécessaire, en fait, pour rembourser ces dettes-là. Alors, quand on met tout ça ensemble, bien, pour Saddam Hussein, le plus simple, c'est d'envahir le Koweït. Et ça se passe donc dans cette nuit du 1er au 2 août 90. Très rapidement, la communauté internationale, Karine Prémont, va condamner cette invasion du Koweït par l'Irak. Et la riposte va s'organiser aussi rapidement. Comment va s'organiser cette riposte? Mais en fait, ce qui est extraordinaire dans cette affaire, c'est vraiment que c'est la première fois là, que la communauté internationale, se prononce sur un conflit depuis la fin de la guerre froide, depuis la chute de l'URSS. Et donc, cette mobilisation-là va se faire très rapidement. Et, Au Conseil de sécurité de l'ONU. Et là, on n'a plus cette opposition URSS-États-Unis sur la plupart des interventions. Donc, on va adopter rapidement la résolution 678 qui stipule que l'Irak a bel et bien violé le droit international en envahissant un pays sans raison suffisante, évidemment. Et très rapidement, là, la plupart des alliés vont se regrouper. Certains vont participer au déploiement militaire. On pense à la France, à la Grande-Bretagne notamment. D'autres vont décider de financer la guerre. On pense à l'Allemagne, au Japon, à l'Arabie saoudite. Et ce qu'on va voir, c'est la Russie et la Chine, en fait, qui vont s'abstenir de voter sur cette résolution-là. Donc, ça va donner, autrement dit, ça va ouvrir la porte, en fait, à cette intervention qui va se mobiliser assez rapidement. Là. Just 2 hours ago, Allied air forces began an attack on military targets in Iraq and Kuwait. Il y a deux heures, les forces aériennes alliées ont amorcé une attaque contre des cibles militaires en Irak et au Koweït. Ces attaques se poursuivent actuellement. Il n'y a pas pour l'instant de troupes au sol. Le 2 août, le dictateur irakien a envahi le Koweït, un membre de la Ligue arabe et des Nations unies. Il y a 5 mois, Saddam Hussein a commencé cette guerre cruelle contre le Koweït. Ce soir, nous nous engageons dans cette bataille. Tonight, the battle has been joined. Le 16 janvier 1991, le président Bush annonce donc le début de l'opération Tempête du désert. En quoi consiste cette opération, Karine Prémont? Essentiellement, ce sont les troupes de ce qu'on va appeler la coalition, 35 pays au total, qui vont être envoyés en fait en Arabie Saoudite. Donc, on va parler à ce moment-là de l'opération Bouclier du désert. C'est la première étape, si on veut. Ça fait partie du jeu diplomatique aussi. On déploie des forces pour convaincre Saddam Hussein de se conformer aux résolutions de l'ONU, parce que le problème, en fait, c'est qu'on pense que Saddam Hussein ne prend pas tellement au sérieux ces menaces-là, parce que Saddam Hussein ne croit pas du tout, en fait, que l'Occident va aller en guerre pour sauver le Koweït. Alors, lui, il joue ce jeu-là. Et donc, on va essayer de mettre de la pression sur lui en déployant ses troupes en Arabie Saoudite. Ça ne va pas suffire, effectivement. Donc, il y aura cette opération Tempête du désert qui va se déployer, effectivement, à la mi-janvier. Et là, à ce moment-là, on parle de bombardements aériens massifs pour détruire essentiellement les installations militaires de l'Irak. Et peu de temps après, effectivement, il y aura un déploiement de troupes terrestres pour mener des combats sur le territoire en février, le 24 février plus précisément, donc déploiement des troupes au sol pour forcer les troupes de Saddam Hussein à reculer et à sortir du Koweït. Et ça va aller assez vite parce que la capitulation de Saddam Hussein se fera le 3 mars. Donc, frappes aériennes massives, intervention au sol, puis en quelques semaines, l'affaire est jouée. Au-delà de la dimension militaire, c'est le gros de cette émission, en fait, c'est d'explorer l'aspect médiatique parce que c'est vraiment intéressant. Cette première guerre du Golfe va devenir vraiment un formidable exemple d'utilisation des médias par les pouvoirs politiques et militaires. L'un des plus formidables exemples au 20e siècle, je pense qu'on peut le dire. Faut dire, Karine Prémont, que cette volonté de manipuler les médias, elle intervient très tôt. Mm-hmm. Ça commence dès le moment où Saddam Hussein envahit le Koweït. Oui, parce que ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que après cette longue période de guerre froide, après différents conflits qui ont éclaté un peu partout, ben les pays occidentaux se rendent compte que ce ne sera pas du tout facile de convaincre l'opinion publique d'aller en guerre de nouveau, surtout pour un pays dont on ne connaît pas à peu près rien. Oui. Bien honnêtement, ce n'est pas encore la région, le Moyen-Orient n'est pas encore la région qui fait les manchettes à tous les jours comme on la connaît aujourd'hui. Donc, il n'y a pas d'intérêts nationaux très clairs, très marqués. La violation du droit international, c'est un concept assez abstrait pour la plupart des gens. Alors, on sait bien qu'il y aura besoin d'avoir des opérations de relations publiques pour convaincre les gens d'y aller. Et on va utiliser les médias pour convaincre l'opinion publique d'y aller, comme vous dites. Il faut dire que les médias américains, les grands médias américains sont assez complaisants. En fait, entre le moment où Saddam Hussein envahit le Koweït et le moment où est déclenchée l'opération Tempête du désert, il y a à peu près pas de point de vue critique rapporté sur, par exemple, la possible intervention de l'armée américaine et de la communauté internationale au Koweït. Il y a à peu près aucun point de vue critique de présenté par les médias. À peu près aucun, effectivement. Et les chiffres le démontrent, parce que entre août 90 et janvier 91, il y a seulement 29 des 2855 minutes qu'on consacrera à la télévision américaine à ce conflit-là. Ben, ça fait pas beaucoup, là, pour parler de l'opposition. Donc, même pas une demi-heure, en fait, pour parler des critiques de cette guerre. Et à chaque fois qu'on en parle, on le fait de façon plutôt anecdotique. On dit, ben, en fait, ces gens-là, ce sont des gens qui ne connaissent rien à ce nouvel ordre mondial que les États-Unis tentent de mettre en place. On marginalise, ce sont quelques étudiants idéalistes, ce sont des intellectuels un peu extravagants comme Noam Chomsky, par exemple. Donc, on va marginaliser ces gens-là, on va banaliser, en fait, ces critiques-là en disant cette guerre-là, elle est nécessaire. Donc, dès le début, on va jouer le jeu de la propagande militaire, en fait. Et puis arrive, en octobre 1990, l'affaire Nahira. Mr. Chairman and members of the committee, my name is Nahira and I just came out of Kuwait. While I was there, I saw the Iraqi soldiers come into the hospital with guns. Monsieur le Président, distingués membres du comité, je m'appelle Nahira et j'arrive tout juste du Koweït. Là-bas, j'ai vu des soldats irakiens armés entrer à l'hôpital et retirer des bébés de leurs incubateurs en les laissant mourir sur le plancher glacé. Ça m'a horrifiée et je n'ai pu m'empêcher de penser à mon neveu, né prématurément lui aussi, et qui aurait pu se retrouver parmi les victimes. Who, if born premature, might have died that day as well. Que se passe-t-il, Karine Prémont, au Congrès américain, le 14 octobre 1990? On a cette jeune femme qui va aller témoigner dans une commission du Congrès pour expliquer, en fait, quelles sont ces horreurs perpétrées par les soldats irakiens. Elle dit que moi, j'étais infirmière au Koweït, j'ai vu les soldats irakiens arriver dans mon pays, j'ai vu ce qu'ils ont fait aux enfants. Donc, ils les sortent littéralement des incubateurs et soit les laissent mourir sur le sol, soit les lancent contre les murs. C'est évidemment épouvantable d'entendre ce témoignage-là. Et évidemment, l'opinion publique du monde entier est complètement émue, bouleversée par ce témoignage-là. C'est un coup de tonnerre dans le ciel. C'est un coup de tonnerre parce que là, soudainement, la population mondiale, occidentale, est largement en faveur d'une intervention après avoir entendu ce témoignage-là. On parle de entre 60 et 70 % des Occidentaux qui sont en faveur d'une intervention contre l'Irak. Aux États-Unis, c'est 71, au Canada, c'est 64, mais ça joue à peu près entre ça. Le problème avec ce témoignage-là, c'est qu'il est faux. Le problème, c'est que cette jeune fille-là n'était pas du tout infirmière au Koweït. C'était la fille de l'ambassadeur du Koweït à Washington. Et tout ça avait été monté par une firme de relations publiques. On l'apprendra plus tard, évidemment. Oui, incroyable. Mais ça nous donne déjà un très, très bon indice de ce que ce sera l'utilisation des médias tout au cours de cette première guerre du Golfe. À la suite de cette affaire, donc, l'affaire Naira, revirement dans l'opinion publique, vous nous le disiez, et donc déclenchement le 16 janvier 91, dans la nuit du 16 janvier au 17 janvier 91, déclenchement de cette opération Tempête du désert. Et là encore, on assiste à une couverture très complaisante, très, très peu critique des grands médias américains de cette guerre contre l'Irak de Saddam Hussein. Oui, parce que dès le départ, on va établir que Saddam Hussein est complètement irrationnel. Les comparaisons avec Hitler vont foisonner, on peut l'imaginer. Et donc, ce que ça veut dire aussi qu'on va adapter dans les médias, qu'on va utiliser, qu'on va propager le nouveau langage de la guerre, n'est-ce pas? Parce qu'on va commencer à parler à ce moment-là de dommages collatéraux, par exemple. Au lieu de dire... Une banalisation de la guerre, une aseptisation en fait de la guerre, cette espèce d'illusion de guerre zéro mort où on bombarde du ciel, alors il y a pas vraiment de victimes civiles, on va bombarder des installations militaires, alors ce sont des gens qui méritent d'être bombardés, etc. Donc on va commencer déjà à utiliser un langage différent et c'est là où le travail des firmes de relations publiques entre en ligne de compte, c'est là où les médias ont été complaisants, c'était de relayer ce langage-là et donc de donner une illusion d'une guerre propre, effectivement, comme vous dites, une espèce de guerre Nintendo, une guerre de jeux vidéo où on voit des points verts dans le ciel, on entend le son des missiles, mais on n'entend jamais les gens hurler, on n'entend jamais les bombes exploser, on ne voit pas les gens qui sont morts, on ne voit pas les buildings effondrés. Donc, on a un peu cette impression d'irréalité, cette impression d'être un peu à l'extérieur de ça. Et dans cette couverture de cette première guerre du Golfe, cette couverture vraiment un peu surréaliste où effectivement on a l'impression de voir la guerre en direct, mais finalement on voit rien ou très peu de choses. Il y a un joueur essentiel qui va prendre beaucoup, beaucoup de place, CNN. Je le disais au tout début de l'émission, c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler de l'effet CNN, Karine Prémont. Oui, et l'effet CNN, c'est-à-dire, c'est quand on parle d'effet CNN, on peut vouloir dire beaucoup de choses, mais essentiellement, ce qu'on veut dire, c'est le pouvoir des images. D'abord, d'émouvoir l'opinion publique, mais ça existait déjà avant. On a vu ça au Vietnam, on a vu ça à d'autres occasions. Mais non seulement d'émouvoir l'opinion publique, mais peut-être d'influencer les décideurs. Et c'est là où on va prêter un pouvoir important aux médias, en particulier à la télévision et en particulier à CNN, parce que à ce moment-là, c'est encore la seule chaîne d'information continue qui existe. Elle existe depuis 1980, mais ça va vraiment être le moment de consécration de CNN. Et donc, on va voir à quel point cette télévision-là peut être puissante, peut devenir un joueur politique, en fait. Mais quelquefois, on va le voir aussi, elle peut être manipulée par les décideurs. Je reviens au tout début de l'émission. CNN aura une telle force de frappe. C'est la référence sur le plan de l'information pendant cette guerre-là. Écoutez, au début, Dick Cheney, le secrétaire à la Défense, qui dit, le meilleur rapport que j'ai eu sur l'efficacité du début de l'opération Tempête du désert, c'est ce que j'ai vu à CNN. Ça va devenir, CNN, la source principale d'information des décideurs à Washington. Exactement. Et Dick Cheney n'est pas le seul. Et c'est tout à fait nouveau, c'est tout à fait extraordinaire d'entendre ça, parce que les diplomates aussi vont dire ça. Les diplomates vont dire, si j'ai le choix entre lire les câbles diplomatiques ou écouter CNN, je vais écouter CNN. Ouais. J'ai plus d'informations là, je sais davantage ce qui se passe. C'est plus rapide, en fait. Le président Bush va même dire qu'il a appris davantage en regardant CNN qu'en lisant les documents préparés par la CIA. Alors, ça donne une idée de l'importance des images, de l'importance de ce canal de communication-là dans cette guerre. Et ça va devenir effectivement, carrément, à certains égards, CNN, un canal de communication qui va servir aux politiques. C'est en utilisant CNN, au fond, les ondes de CNN, que George Bush, le président Bush, va s'adresser directement à Saddam Hussein. Effectivement, parce que les canaux diplomatiques sont complètement fermés. Alors, tout ce qu'on sait du côté des États-Unis, c'est que Saddam Hussein écoute CNN. On le sait. Tout ce que Saddam Hussein sait, c'est que les Américains écoutent CNN également. Alors, ça va devenir une espèce de forum de discussion, en fait, un lieu où on s'envoie des messages et on va le faire de façon plutôt fréquente, en fait. Par exemple, James Baker, qui est secrétaire d'État à ce moment-là, va prononcer à CNN ce qu'on va appeler le dernier appel à la raison, le 11 janvier 91, un dernier message directement à Saddam Hussein pour lui dire « Écoutez, on est sérieux, on va entrer en guerre, il vous reste peu de temps pour vous conformer aux résolutions de l'ONU. » Le président Bush va aussi s'adresser directement à Saddam Hussein par le biais de CNN parce que lui, il est convaincu que ses conseillers lui cachent la vérité, lui cachent les intentions de l'Occident, parce que quand on est conseiller de Saddam Hussein, on se rappelle que Saddam Hussein n'aime pas trop les mauvaises nouvelles, alors on veut pas être celui qui va porter des mauvaises nouvelles au dictateur. Ted Turner, le propriétaire à ce moment-là de CNN, va même dire ben les opposants ne se parlent plus, les États-Unis et l'Irak ne se parlent plus, alors s'il reste une chance pour la paix, c'est par nous que ça va passer, c'est le seul moyen de communication. Et George Bush, le président Bush, va même utiliser les ondes de CNN pour s'adresser à un moment donné directement à la population irakienne. Absolument, parce que ce qu'il va finir par dire, c'est peut-être que la meilleure façon de renverser le dictateur, c'est quand la population s'en mêle et quand on va voir effectivement quelques émeutes qui vont se produire un peu partout en Irak lors du déclenchement des hostilités, Bush va dire à la télévision en février 91, c'est par le peuple que ça peut se passer, c'est le peuple qui doit forcer le dictateur à s'en aller. Il va faire la même chose, il va s'adresser directement aux Kurdes quand les Kurdes vont se révolter contre Saddam Hussein. Il va leur dire, peut-être qu'on pourrait vous aider si jamais vous décidez de renverser le dictateur. Les États-Unis ne le feront pas, les Kurdes seront gazés allègrement par Saddam Hussein dans l'indifférence à peu près totale. Mais néanmoins, on force d'une certaine façon cette communication avec le peuple irakien en disant, allez-y, soulevez-vous, nous sommes derrière vous. Le problème, évidemment, de cet effet CNN, puis ça, on va le découvrir au fil du temps, puis après la Première Guerre du Golfe, quand on réanalysera tout ça. Remarquez, il y a déjà des journalistes, pendant la couverture de la Guerre du Golfe, des Français, entre autres, qui sont très, très sceptiques, qui se disent ouvertement manipulés par l'armée américaine. Il y a un vrai problème, c'est qu'on a l'impression, avec cette couverture en direct, cette chaîne d'information continue, la seule CNN à ce moment-là, qu'on assiste vraiment à la réalité de cette guerre, en direct, alors que ce n'est pas le cas. En fait, il y aura très, très peu d'images qui vont nous parvenir de cette guerre-là. Très peu de journalistes vont couvrir sur le terrain cette guerre-là. On écoute, ça vaut vraiment le détour pour vous donner une petite idée de ce que ça va donner. C'est assez surréaliste comme couverture au premier jour de cette opération Tempête du désert, dans la nuit du 16 au 17 janvier 91. La journaliste Geneviève Rossier, qui est à Riyad, dans un hôtel, au moment du déclenchement de l'opération. Vers 2 heures du matin, il y a environ 1 heure, on a commencé à remarquer une activité aérienne absolument fébrile ici à Riyad, plus d'avions dans le ciel qu'on avait entendu depuis les jours où je suis ici. Enfin, c'était vraiment incroyable, il y avait énormément d'avions, on pouvait voir qu'il y avait peut-être quelque chose qui se dessinait. Moi, j'ai cru qu'il s'agissait simplement d'une intensification des exercices. Et voilà, il semblerait qu'il y a environ 30 minutes, comme vous disiez, il y aurait vraiment effectivement eu des coups de feu sur la capitale irakienne. Et je vous annonce qu'on rapporte sur le réseau BBC qu'effectivement la tour de contrôle irakienne aurait peut-être été touchée. Oui, alors Geneviève, vous pouvez donc pas me confirmer que les tirs qui ont commencé il y a 30 minutes seraient des tirs qui finalement ont sonné l'alerte, ça y est, c'est parti. Vous pouvez pas non plus me confirmer ça. Non, pour le moment, je peux rien vous confirmer. Simplement vous dire que je suis assise ici dans ma chambre d'hôtel et que j'entends effectivement l'activité aérienne, vous dire exactement ce que c'est, qui tire et qui, pour le moment, je ne peux pas vous le préciser. C'est complètement surréaliste, Karine Prémont. Des journalistes du monde entier dans leur chambre d'hôtel à Riyad qui regardent la télé, qui lisent les fils de presse, qui assistent à une conférence de presse ou plus quotidienne de l'armée américaine à Riyad. Et ça sera ça, essentiellement, la couverture de cette guerre. Et ce sera ça pour à peu près tout le monde. Oui. Et déjà, pour nous, c'était une guerre. On dit toujours que c'est la première guerre télévisée de l'histoire. On était assis devant nos téléviseurs à l'heure dite pour voir un peu ce qui se passe en se disant, les journalistes sur place vont pouvoir nous alimenter. En réalité, vous l'avez dit, on a eu très peu d'images, très peu d'informations précises parce que au total, il y avait à peu près 1400 journalistes qui étaient déployés ou en tout cas qui étaient affectés à la couverture de cette guerre-là. Mais une fois rendu sur place, on se rend compte qu'on peut pas entrer en Irak déjà. L'armée américaine contrôle le territoire. On va cantonner les journalistes dans quelques hôtels proches, dans quelques lieux particuliers. Il y aura ces conférences de presse quotidiennes, quelquefois plusieurs fois par jour, dépendamment des circonstances. Et donc, on s'abreuve essentiellement aux sources militaires du gouvernement américain de cette coalition-là. Et on va, en savoir très, très peu. Oui. Et il y aura des images, mais encore là, avec un nouveau système, le système du pool et un très grand contrôle des militaires sur les images que quelques-uns pourront aller chercher sur le terrain. Qu'est-ce que c'est que ce système de pool? C'est un système qui existe quand même depuis un certain temps, c'est-à-dire qu'on va l'utiliser pour la première fois pendant l'intervention militaire en Grenade en 1983, mais on va la déployer pour la première fois de façon large là, pour la guerre du Golfe. Donc, ça veut dire que on va sélectionner, étant l'armée américaine, va sélectionner sur les 1400 journalistes qui sont là, plus les techniciens, plus les photographes, on va sélectionner un certain nombre de personnes qui vont avoir un accès particulier, donc qui vont pouvoir avoir une espèce de visite guidée, entre guillemets, de ce qui se passe, et qui vont, eux, ensuite être chargés de répéter ces informations-là aux autres journalistes. Donc, on met ces images-là au service on partage, en fait, tout ça. Ouais. Et ça veut dire qu'il y a 192 personnes qui seront choisies, et on inclut là-dedans des caméramans, des photographes. Et de ce 192-là, il y en a seulement 30 qui, à un moment ou à un autre de ce conflit-là, se retrouveront sur le champ de bataille. Oui. Donc, 30 journalistes pour apporter un conflit qui va nécessiter le déploiement de 800 000 soldats, alors qu'on sait que les Super Bowls, c'est à peu près 1500 journalistes qui couvrent ça. On s'entend que, effectivement, ça resserre le contrôle et ça donne très peu d'images. Oui. Sans compter qu'encore une fois, ces images recueillies par le pool sont très, très contrôlées par les militaires. Il y a ce chercheur du CNRS, Dominique Volton, sociologue des médias, qui dira plus tard, l'image est assez belle, que le général américain Schwarzkopf s'est transformé pour la circonstance en rédacteur en chef de la presse mondiale. Exactement. On parle aussi des médias comme étant les sténographes du pouvoir à ce moment-là, donc qui se contentent de rapporter parce qu'ils n'ont pas accès au terrain. On leur dit c'est trop dangereux, il y a des bombardements aériens. Il faut dire que l'Irak aussi avait expulsé tous ses journalistes et c'est pour ça que CNN a connu un moment important parce que Peter Arnett et Bernard Shaw, dont on parlait précédemment, eux sont demeurés sur place. Et donc, à un moment donné, CNN était la seule équipe médiatique à être en Irak, alors que tous les autres étaient à Riyad ou étaient à l'extérieur. Ouais. Donc, et c'est pour ça qu'on n'a pas accès au terrain. Donc, et ces gens-là, notamment le général Schwarzkopf, mais on pense aussi au général Kelly, à Peter Williams qui travaillait pour Dick Cheney, ces gens-là étaient ceux qui abreuvaient les journalistes quotidiennement. Et ce sont des gens qui ont trouvé un emploi dans les médias américains après la guerre pour commenter les opérations militaires. Alors, il y avait cette proximité-là. On confondait souvent propagande, relations publiques, communication, etc. Et ça a fait en sorte de donner une image un peu étrange de cette guerre. Karine Prémont, professeure à l'École de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke, directrice adjointe de l'Observatoire sur les États-Unis de la chaire Raoul Dandurand de l'Université du Québec à Montréal. Merci, Karine. Merci. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.